Marie l'orpheline, Marie mon amour, contre ma poitrine viens serrer tes joues. Marie les angoisses, Marie déchirée, sors de ton impasse quand le bonheur veut t'adopter. Marie l'orpheline, Marie les tourments, laisse sur tes ruines courir le printemps. Marie la souffrance, Marie la douleur, viens chercher l'enfance au cœur de mon cœur. Laisse le bonheur allumer tes yeux, étouffer ta peur et mettre le feu au fond de ton cœur qui n'a jamais vu le ciel bleu. Marie sans famille, Marie délaissée, sors de ta coquille, chasse tes pensées, viens prendre racine là où la passion, Marie l'orpheline, veut t'offrir un nom. Marie l'orpheline, Marie crucifiée, en vain tu t'obstines à tout refuser. Marie la misère, surtout ne sois pas Marie cœur de pierre quand le bonheur te tend les bras. Marie l'orpheline, accepte l'amour pour qu'il t'illumine et fasse qu'un jour Marie la détresse devienne pour moi Marie la tendresse éperdue de joie. Lave-toi d'hier, laisse-toi sécher par ces soleils clairs, par ces vents d'été, que d'un cœur ouvert l'amour propose à tes pensées. Marie, tout commence au jour de demain, et notre existence est entre tes mains. Sans toi, j'imagine que je ne suis rien, Marie l'orpheline.